maquille, toi, toi qui te maquille le bout des yeux, mais du rouge sur tes lèvres. Les gars en costard, cravate, le direct, le code vestimentaire de la bienveillance peut t'en foutre en l'air. Aujourd'hui, tout est faux. On applaudit parce que notre voisin le fait et parce qu'on le demande pour ne pas se retrouver seul. On dit merci parce qu'on vous le dit qu'il faut être poli à ce qu'on vous l'a appris pour faire plaisir. Maquille-toi et enlève tous ces artifices qui ne font pas de toi une vraie femme. Je ne chante pas pour ton plaisir, je ne chante pas pour le plaisir, mais pour me faire du bien. Les gars trop bien peignés font chier les autres dans des conditions de travail incroyable. Aujourd'hui tout est faux, les ressources humaines bafouées dans des termes techniques de technocrate lambda. Où va la vie? Où est passé ce qu'il y a à vivre? Si c'est pour sourire tout le temps et ne pas être triste et fragile de temps à autre, pour ne pas dire sans signe, je démissionne. Maquille-toi pour ne plus te maquiller, hommes et femmes, ressourcez-vous. Je ne chante pas pour votre plaisir, les gars qui se parfument de produits chimiques me déplaisent. Les looks à la mode télé sont à foutre en l'air, je siffle un air dans ma tête. Dès que le vent aura changé de cap, je partirai. Maquille-toi pour la dernière fois. Je ne chante pas pour toi, mais pour me faire du bien. Mon âme est une rebelle, elle se plaît dans la diplomatie, elle se plaît dans l'aristocratie de mon cœur. Maquille-toi, toi qui te maquilles le bout des yeux, mais du rouge sur tes lèvres. Les gars en costard, cravate, le direct, le code vestimentaire de la bienveillance peut t'en foutre en l'air.